Votre balado commencera après ce court message publicitaire. Cette émission est présentée par IKEA, qui a tout pour vos réceptions. Et durant la promo des fêtes, trouvez tout pour décorer chaque pièce de votre maison et économisez jusqu'à 20% sur une foule d'articles. En cours jusqu'au 24 décembre. Le balado commence dans 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'émeute de Stonewall et la lutte pour les droits des homosexuels aux États-Unis. I think it would be irresponsible of me as we go through World Pride Month. Je crois qu'il serait irresponsable de ma part pendant le mois de la fierté de ne pas parler des événements du Stonewall Inn de juin 1969. Je ne vais pas prétendre être un expert de ce qui s'est passé au Stonewall. La police de New York a mal agi tout simplement. Les gestes et la loi étaient discriminatoires et oppressifs, et pour ça, j'offre mes excuses. The actions and the laws were discriminatory and oppressive, and for that, I apologize. Le 6 juin 2019, le chef de police de la ville de New York, James O'Neill, a présenté ses excuses officielles pour la manière dont s'est comportée la police de New York lors de l'émeute de Stonewall en juin 1969. L'émeute de Stonewall fait partie de ces événements qui marquent un point tournant dans l'histoire. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Stonewall dans le combat des homosexuels pour la reconnaissance de leurs droits aux États-Unis. Back in 1969, as a turbulent decade was winding down, the Stonewall... En 1969, alors que s'achevait une décennie tumultueuse, le Stonewall Inn était un lieu de rendez-vous couru par la communauté LGBT new-yorkaise. À l'époque, être gay, lesbienne, bisexuel ou transgenre était considéré indécent, illégal et relevant de la maladie mentale. Illegal, even a mental illness. One night, police raided the bar and started arresting folks. Une nuit, la police rafle le bar et arrête ceux qui s'y trouvent. Ce genre de descente n'avait rien de nouveau, mais cette nuit-là, les clients en ont eu assez. L'émeute s'est transformée en manifestation. Les manifestations ont fait naître un mouvement faisant partie intégrante des États-Unis d'aujourd'hui. Le mouvement ultimately became an integral part of America. So this week, I'm designating the Stonewall National Monument. Cette semaine, je désigne le Stonewall National Monument comme un nouvel ajout au réseau des parcs nationaux américains. Il racontera l'histoire de notre combat pour les droits LGBT. J'estime que nos parcs nationaux doivent refléter pleinement l'histoire de notre pays, sa richesse, sa diversité et l'âme unique de l'Amérique qui nous ont toujours définis. Nous sommes toujours plus forts ensemble et ensemble, nous ne faisons qu'un. That we are stronger together, that out of many, we are one. C'est en 2016 que le président américain Barack Obama, que vous venez d'entendre, a décidé de faire du site où s'est déroulée l'émeute de Stonewall un monument national. Cette décision du président Obama montre l'importance qu'a eu cette émeute dans le combat des homosexuels américains pour la reconnaissance de leurs droits. Pour nous parler de ce qui s'est passé à New York cette fameuse nuit du 28 juin 1969, pour nous expliquer aussi le contexte qui va conduire à l'émeute de Stonewall, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. En quoi cette fameuse date du 28 juin 1969 est-elle si importante, Karine Prémont, dans l'histoire de la lutte pour les droits des homosexuels aux États-Unis? Parce que, comme Barack Obama l'a dit en début d'émission, il y a un avant, il y a un après. Stonewall sera un point tournant dans le combat pour la reconnaissance des droits des homosexuels, essentiellement pour trois raisons. Ça va donner une plus grande visibilité à ce mouvement-là, à cette communauté-là. Ça va aussi permettre des actions plus concertées de la part des groupes qui sont à la défense des droits des homosexuels. Et ça va créer un sentiment de communauté, une appartenance à un groupe qui va donner de la force, évidemment, à ses idées, à cette communauté tout entière. Oui, point tournant... accélération d'un mouvement qui... c'est pas le point de départ, mais ça accélère un mouvement qui existe déjà. C'est ça un peu... C'est exactement ça. Donc, ça va donner un petit peu d'essence, si on veut, à ce moteur-là. Oui. Ça arrive, tout ça, évidemment, dans les années 60, avec toute la fébrilité que ça comporte, cette décennie. C'est, on le rappelle, mais la décennie de l'émergence du mouvement féministe, le combat pour les droits civiques, la question du Vietnam. Où en sont, dans cette décennie-là, dans ce contexte-là, où en sont les homosexuels? Où en est le mouvement pour les droits des homosexuels dans les années 60? Mais en fait, la situation des homosexuels aux États-Unis, comme... un peu partout ailleurs, aussi en Amérique et en Europe, n'est pas très enviable. L'homosexualité est considérée comme un crime dans la plupart des États américains. On sort d'une décennie, les années 50, où on a parlé de peur violette en lien avec le macartisme. On jugeait que les gens qui avaient, qui étaient homosexuels étaient une menace pour la sécurité nationale parce qu'ils pouvaient faire l'objet de chantage de la part des ennemis communistes, par exemple. Ouais. Alors vraiment, là, on a persécuté cette communauté-là. On a fait la chasse aux homosexuels, notamment dans le gouvernement américain dans les années 50. Et il n'y a aucune loi qui protège les homosexuels. Il n'y a aucune personnalité connue non plus qui se définit comme homosexuel à qui on pourrait se référer ou qui pourrait servir d'exemple. Alors, on est vraiment dans une situation où il faut rester dans le placard. Il y a des groupes, évidemment, qui défendent les droits des homosexuels, des groupes qui sont très discrets, on le comprend, en raison des persécutions policières notamment, mais aussi de la réprobation sociale, il faut le dire. Donc un mouvement plutôt clandestin. Plutôt clandestin, très discret. Il y a quelques manifestations publiques qui se font dans les années 50, là, mais il y a une marche aussi le 4 juillet, la journée de la fête nationale aux États-Unis, où des homosexuels marchent à Philadelphie, qui est le lieu où on a signé la déclaration d'indépendance et la Constitution américaine, donc pour demander le respect de leurs droits civiques. Mais tout ça est marginal, là, je vous dirais, dans les années 50 et au début des années 60. Même s'il y avait eu, dès le début du siècle aux États-Unis, dans les années 20, il y a un début de mouvement quand même, oui, à ce moment-là. Il y a la Society for Human Rights, qui est sans doute le premier groupe là, qui protège les membres de la communauté LGBT aux États-Unis, fondée par un immigrant allemand. Mais encore une fois, là, c'est très marginal, ouais. c'est très peu public, en fait. Et dans une ville comme New York, on revient à cette décennie des années 60, qu'est-ce que ça veut dire, être homosexuel, dans les années 60, dans les années 50, à New York? En fait, la ville de New York accueille à ce moment-là la plus importante communauté homosexuelle aux États-Unis, mais la ville, elle est très répressée, notamment par le biais de la force policière, bien sûr, mais aussi par la régie des alcools, qui sera une façon détournée là, de s'en prendre aux homosexuels. D'abord, les policiers ont le droit de vérifier le sexe des gens qu'ils arrêtent, notamment dans les lieux qu'on soupçonne être des repères, entre guillemets, d'homosexuels. Alors, des fouilles assez intrusives, ouais. On l'imagine bien. On accuse les gens d'attentats à la pudeur si des personnes de même sexe s'embrassent en public, par exemple, surtout des hommes, effectivement. Et il y a des policiers en civil qui tentent de prendre au piège des gens en se faisant passer pour des homosexuels eux-mêmes, commencent à engager la conversation avec des gens qui suspectent d'être gays. Puis aussitôt qu'il y a une proposition de « je vais vous payer un verre » ou etc., on les arrête pour sollicitation. Et on parle d'à peu près une centaine d'hommes par semaine qui sont arrêtés avec cette méthode-là. Donc, au début des années 60, on va accélérer cette répression policière parce qu'il y a l'exposition universelle de 64 qui va avoir lieu à New York. On veut fermer les bars gays, on veut nettoyer, entre guillemets, la ville de ces comportements qu'on juge subversifs. Alors, il y aura une répression là, assez importante au début des années 60 dans la ville de New York. Il y a même des lois à l'époque, ça paraît presque surréaliste avec nos yeux d'aujourd'hui, mais sur la tenue vestimentaire... Oui, la fameuse loi des trois pièces. C'était interdit pour une personne de porter plus que trois pièces de vêtements qui appartenaient au sexe opposé. Parce que là, on disait, bien, cette personne se travestit et ça, c'est illégal. Donc, on a un paquet de lois de cette nature-là. Les hommes n'ont pas le droit de danser entre eux dans un bar, par exemple. Donc, tout ça est sévèrement réprimé. Et c'est de cette façon-là que la Régie des alcools de New York, en fait, exerce cette répression en disant, bien, en fait, on a une marge de manœuvre pour condamner les comportements qui constituent du désordre et on juge que des homosexuels ensemble, ben, c'est du désordre. Alors, on va punir sévèrement les gens qui servent de l'alcool aux homosexuels, par exemple, ou qui acceptent de les réunir, autrement dit, dans un lieu pour faire la fête. Avant de parler de l'émeute de Stonewall, parlons quand même du lieu comme tel. Ce bar-là, le Stonewall, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Il est créé quand? Dans quel contexte il ouvre, ce fameux Stonewall? Il faut dire que déjà à l'époque, même à New York, il y a très peu d'endroits pour les homosexuels. La plupart sont clandestins, évidemment. La prohibition des années 20 va favoriser l'émergence de ces établissements parce que de toute façon, il fallait se cacher pour consommer de l'alcool. Alors, il faut se cacher aussi pour être homosexuel et consommer de l'alcool. Donc, il y aura pas mal de bars clandestins. Mais le Stonewall va ouvrir en 1967 dans Greenwich Village à New York. Il va accueillir là, à peu près une centaine de clients par fin de semaine. Là. Donc, c'est un lieu qui est qui est très crasseux, qui est dangereux. Il n'y a pas de sortie de secours, par exemple. Les toilettes ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'eau courante. Les fenêtres sont masquées. Donc, c'est un lieu un peu glauque, un peu particulier. L'alcool est dilué. Le bar est réputé pour diluer son alcool de façon assez franche, là. Sauf que c'est un lieu extrêmement important pour la communauté gay de New York, en particulier pour les gens qui sont déjà des exclus à l'intérieur même de cette communauté-là, notamment les drag queens, les travestis, les jeunes qui ont fui un milieu plutôt répressif, on l'imagine bien, et aussi les sans-abri qui sont homosexuels, parce que pour 3 $ seulement, on peut entrer là, passer la nuit là. Alors, c'est un refuge pour ces gens-là qui sont, comme je l'ai dit, exclus de la société, mais aussi, le plus souvent, déjà marginalisés à l'intérieur même de la communauté homosexuelle. Et au Stonewall Inn, on peut aussi danser, oui. Ce qui est très rare. Il y a très peu d'endroits qui permettent aux gens d'y danser. Alors, c'est un lieu important pour la communauté homosexuelle. Lieu un peu à côté aussi de la loi, qui contourne la loi. D'abord, c'est un mafieux, on peut le dire, qui ouvre cette boîte-là. Mm-hmm. C'est un club privé, parce qu'officiellement, il ne peut pas y avoir un club ouvertement gay légalement à ce moment-là à New York. Donc, faut avoir une, je ne sais pas s'il faut une carte de membre, mais c'est un club privé, carrément. C'est un club privé. C'est la façon que la mafia a trouvé pour détourner justement l'attention des policiers pour opérer de façon plus ou moins légale. Et ce bar-là, le Stonewall, est effectivement opéré par Fat Tony Loria, qui appartient à la famille des Genovese, qui est une des 5 familles mafieuses new-yorkaises. Et pour la mafia, c'est très intéressant de servir la communauté homosexuelle parce que c'est une clientèle qui a des fois, la plupart du temps, des sous, qui n'a pas d'endroit où aller, qui est assez captive. Et c'est une clientèle que personne d'autre ne veut servir. Ouais. Alors, il y a un marché pour la mafia à cet égard-là. Et effectivement, on enregistre le Stonewall comme un club privé. Donc, ce que ça veut dire, qu'essentiellement, quand les clients entrent, doivent inscrire leur nom sur un registre. On comprend que tous ces noms ou presque sont des faux, bien évidemment. Et en principe, dans un club privé, les gens apportent leur propre alcool. Mais ce ne sera pas le cas, bien sûr. Il y aura une mise en scène pour quand la police va arriver, parce que c'est ça aussi le fait que la mafia soit impliquée dans ce bar-là. C'est que la mafia achète la police, graisse la patte un peu de la police. Elle est avisée d'avance habituellement quand il y aura une descente. Et il y a une entente aussi avec les policiers de New York. Venez tôt, comme ça, plus tard dans la soirée, quand ce sera le moment fort, on pourra reprendre nos activités. Il y a tout un jeu de lumière aussi pour avertir les clients. La police s'en vient. Alors, ceux qui ne veulent pas se retrouver là, quand la police arrivera, peuvent s'enfuir. Donc, il y a toute une espèce d'accompagnement intense, là, comme ça, entre Big Fat Tony et la police new-yorkaise. Mais généralement, là, c'est ça. On travaille sous le couvert d'un club privé, d'un faux club privé, bien évidemment. Et ces fameuses alertes données par la police avant de faire une descente, ça marche, mais ça ne marchera pas ce soir-là. Mais quelques jours avant, il y avait une descente, le 24 juin, puis là, ça s'était passé comme d'habitude. La police prévient, puis bon, tout est en règle. Mais pas cette fois-là, pas dans cette fameuse nuit du 27 au 28 juin 1969, la fameuse nuit de l'émeute, quand commencent ces quelques jours, en fait, de désordre au Stonewall et dans le quartier de Greenwich Village. Je ne sais pas si ce sont les clients ou les policiers qui ont commencé. Tout à coup, il y a eu un déclic. Nous en avions assez de toute cette brutalité policière et de tout ce harcèlement dans le village. Les choses se sont précipitées partout en même temps. Une drag queen a donné un coup de pied à un policier. Les agents se sont tournés vers nous et ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont dit « Ça suffit les PD, le spectacle est terminé, tout le monde dehors ». Mais pour une raison inconnue, sans même nous consulter, nous avons tous refusé d'obtempérer et nous avons avancé vers eux. En une seconde, les objets volaient dans les airs. All of a sudden, things were flying all over the place. The cops began to panic. Les policiers ont paniqué. We knew the land. They could not catch us. Nous connaissions le terrain. Ils ne pouvaient pas nous coincer, ils ne pouvaient pas nous attraper, ils ne pouvaient pas arrêter nos leaders car nous n'en avions aucun. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que de courir après nous. Deux drag queens ont arraché un parcomètre du sol et en ont fait un bélier. C'était si excitant. Nous nous disions, ça y est, on le fait, on le fait. L'émeute a duré des heures et des heures. Hours and hours. Quelques témoignages recueillis par le New York Times dans une vidéo réalisée en juin 2009. C'est donc dans cette nuit du 27 au 28 juin 1969 que commence ce qui va devenir l'émeute de Stonewall. Que se passe-t-il cette nuit-là, Karine Prémont? En fait, cette nuit-là, il y a 8 policiers en civil, dont 2 femmes, qui vont entrer au Stonewall avec un mandat de perquisition, mais sans avoir été annoncé. Alors ça, c'est déjà très inhabituel dans le cas du Stonewall. Donc, les employés ne sont pas avisés de cette visite policière. Et très rapidement, on va faire le tri des clients qui sont là. Ceux qui ont une carte d'identité en bonne et due forme pourront quitter. Les autres, ou ceux qui sont travestis, ne pourront pas quitter, seront arrêtés sur place. Et puisque c'est une situation inhabituelle, le comportement des gens est inhabituel aussi, parce que là, ce qui va se passer, c'est que les gens vont résister. Il faut dire qu'il y avait eu une petite période d'accalmie dans les années précédentes en raison du nouveau maire de New York là, qui avait un petit peu mis un terme à la répression policière, avait un petit peu changé l'atmosphère. Donc là, les clients, soudainement, n'acceptent plus d'être réprimés, n'acceptent plus de se faire bousculer par la police. Alors, il y aura résistance à cette présence policière. Sans concertation. C'est juste sans que concertation, tout à ce moment-là, on se dit, ça suffit, c'est assez. C'est assez. Ouais. Et donc, la bousculade, les cris, tout ça va attirer beaucoup de gens de l'extérieur aussi. Il y a d'autres bars autour, donc les clients de ces bars-là vont arriver près du Stonewall. Les gens qui habitent aussi tout près vont arriver. Et là, il y aura une petite émeute qui va se mettre en place parce que, justement, il y a des gens qui commencent à lancer des objets aux policiers. On ne sait pas trop encore aujourd'hui comment tout ça commence. Certains parlent d'une activiste qui aurait résisté à son arrestation. D'autres parlent de deux femmes afro-américaines transgenres qui auraient lancé les premières bouteilles sur les policiers, mais de toute façon, l'émeute éclate, bousculade. Les policiers vont répliquer en tabassant les gens de façon assez gratuite, là, effectivement. Et là, rendu à 4 heures du matin, il y a des centaines de personnes. On parle d'une foule entre 400 et 600 personnes qui sont attroupées autour du Stonewall. Et très rapidement, les policiers vont comprendre qu'ils ne pourront pas contrôler la situation. Choisissent de retraiter à l'intérieur du bar avec quelques-uns de leurs prisonniers, appellent des renforts. Et ces renforts-là, évidemment, là, vont commencer à s'en prendre aux gens, essayer de disperser la foule, parce qu'il faut dire que les gens qui sont là attaquent les policiers, lancent des objets, lacèrent des pneus de voiture, renversent un taxi. Donc, ils font quand même pas mal de grabuges. Et donc, la force tactique va réussir, là, autour de 5 heures du matin, à disperser la foule. Quelques blessés, pas de morts, 13 arrestations. Ouais. Donc ça, c'est la première nuit de la première émeute de Stonewall. Parce que ce qui va faire de Stonewall, ce que ça va devenir, c'est qu'il y aura une deuxième nuit, puis en fait, ça va durer quelques jours. Mais oui. Dès le lendemain, les gens se retrouvent là à nouveau. Dès le lendemain, 2000 personnes se présentent au Stonewall dans la nuit du samedi. Le bar a réouvert. Il ne sert pas d'alcool, mais a réouvert. Malgré les dégâts, il y a eu un petit début d'incendie aussi la veille. Mais là, on forme des chaînes humaines. On va montrer notre soutien aux gens qui étaient à Stonewall, à la communauté homosexuelle en général. Les policiers reviennent, aspergent les manifestants de gaz lacrymogène, tabassent quelques personnes et ça va durer 3 jours. Donc 3 jours ensuite, d'autres manifestations se produiront. Ça va être un petit peu plus calme, je vous dirais. Les altercations avec les policiers vont être un peu moins nombreuses, vont faire un peu moins de dégâts. Et là, c'est la couverture médiatique va commencer. Oui. Donc les journaux locaux, d'abord, The Village Voice va se présenter, mais aussi le New York Times, le New York Daily News, etc. Donc là, ça va attirer l'attention médiatique. La couverture ne sera pas tellement en faveur des homosexuels, cependant. Seront l'objet de plusieurs termes discriminatoires de la part des journalistes. Oui. Mais en tout cas, ça va attirer l'attention sur ce qui se passe dans les bars homosexuels, notamment à New York. On va arrêter 8 personnes de plus. Donc, pendant quelques jours, il y a cette forte tension autour de Stonewall. Oui. Et ça va être important parce que dès le moment où ça se produit, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Ça devient Stonewall, une espèce de catalyseur de la lutte pour les droits des homosexuels aux États-Unis. Quel impact, en fait, très concrètement, Karine Prémont, ça va avoir, cette émeute-là, pour la suite des choses, mais vraiment dans les mois qui suivent? Même dans les semaines qui suivent, il y a vraiment un momentum qui a été créé par ce qui s'est passé à Stonewall. Donc, quelques semaines après, certains groupes de défense des droits des homosexuels vont organiser une marche tout près du Stonewall. Donc, on va montrer comme ça notre solidarité à la communauté homosexuelle. Ça va attirer une centaine de personnes et ça va surtout mener à la naissance d'un mouvement beaucoup plus radical de revendication pour les homosexuels. Le Gay Liberation Front, par exemple, le Gay Activist Alliance, donc des protestations publiques, des confrontations publiques. On va intervenir dans des séances politiques, dans des rencontres politiques pour poser des questions aux élus. Pourquoi vous ne faites rien, etc. Donc, on aura vraiment aussi l'appui de certains journaux particuliers qui vont être créés explicitement pour soutenir les droits des homosexuels. Donc, on va voir aussi plusieurs organisations de défense des droits des homosexuels voir le jour. Donc, ça va vraiment créer ce momentum-là qui va, je dirais, consolider ce qui existe déjà. Et au premier anniversaire de cette émeute, du début de cette émeute de Stonewall, le 28 juin 1970, une année donc jour pour jour après l'émeute de Stonewall, est organisée une marche dans Greenwich Village qui est aujourd'hui considérée comme la première Gay Pride ou marche de la fierté. Nous essayons d'avoir une libération, si est-ce que c'est le mot juste, une libération pour les homosexuels. Je crois que vous vous considérez le second groupe minoritaire aux États-Unis, après l'homme noir. Combien y a-t-il d'homosexuels en tout? Environ 15 millions dans les États-Unis. C'est-à-dire environ 10% de la population âgée de plus de 21. Cela comprend les hommes et les femmes. Oui, oui, c'est les hommes et les femmes. Et vous voyez qu'il y a environ 3000 personnes ici aujourd'hui. C'est un grand succès pour nous. Nous allons continuer ceci dans les années prochaines et nous espérons avoir 100 000 homosexuels ici à New York City l'année prochaine. Et maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez protesté, c'est-à-dire que vous avez paradé avec des bannières sur la 6e avenue à New York, l'avenue des Amériques, et vous avez abouti ici à Central Park. Et il n'y a pas de discours, mais j'ai vu pourtant deux couples d'homosexuels qui s'embrassaient. Oui. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Vous vous trouvez ici à Central Park, qu'est-ce que vous pensez du mouvement homosexuel? Écoutez, moi je vais vous dire, je ne suis pas homosexuel, mais j'approuve ce mouvement à 100%. Et qu'est-ce que vous pensez du concours de baiser qui a lieu en ce moment? Oui, ça c'est un petit peu grotesque. Vous voyez, autant je suis pour eux et je suis assez pour ce mouvement, autant je trouve les démonstrations de certains d'entre eux un petit peu ridicules. Extrait d'un reportage de Simone Auger présenté à l'émission Présent du 1er juillet 1970. C'est au tout début de cet extrait la militante Barbara Gittings que vous entendiez. Quelle importance, Karine Prémont, aura cette marche du 28 juin 1970? Bien, c'est vraiment le début du mouvement pour la fierté gay qu'on connaît aujourd'hui. Donc, des milliers de personnes vont se rendre à cette marche-là. Ça va devenir un événement annuel que d'autres grandes villes américaines vont reprendre par les années suivantes. Los Angeles, Boston, Chicago, San Francisco. Donc, et ensuite, évidemment, ça va déborder partout à travers le monde ou à peu près. Et ce que ça va donner aussi, c'est l'utilisation du mot fierté, qui est quand même assez intéressant, plutôt que du mot pouvoir, power, parce que au départ, certaines personnes disaient, il faut parler de gay power, comme on a parlé de black power. Puis ensuite, on s'est dit, peut-être que ce serait pas très rassembleur, peut-être que ça va être trop confrontationnel, alors on va choisir fierté. Donc, on parle de fierté gay plutôt que de pouvoir gay. Et très rapidement, ce mouvement-là va prendre l'ampleur, évidemment. Et comme on disait, ça va créer, effectivement, là, un mouvement qui va permettre aux homosexuels d'obtenir, de façon successive, là, plusieurs droits importants par la suite. Qu'est-ce qui reste de tout ça 50 ans plus tard? On revient au tout début de l'émission, là, le 6 juin 2019. Le chef de police de New York, James O'Neill, s'est excusé officiellement pour les événements du Stonewall en 69. Qu'est-ce qui reste donc de ces événements de juin 69, 50 ans plus tard? Essentiellement, la reconnaissance par le pouvoir politique de l'importance de Stonewall dans le mouvement en faveur des droits des homosexuels, ses excuses de la police aussi, bien sûr, mais aussi, je vous dirais, la reconnaissance du chemin qui a été accompli depuis, bien sûr. On parle de la fin du « Don't ask, don't tell » au sein de l'armée américaine, par exemple. On va parler de la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe. Pour les primaires démocrates de 2020, il y a le premier candidat ouvertement homosexuel qui se présente. Peter Buttigieg. Donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été accompli parce que Stonewall a ouvert les portes, a sensibilisé la population à cette communauté. Évidemment, il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est un tournant majeur dans l'histoire des droits des homosexuels. Et reconnu donc officiellement, c'est important, par les autorités politiques, le chef de police de New York, mais Barack Obama aussi en 2016. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, merci. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre nouvelle application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.